antique et authentique par Gilpatrick. Mr. Wells et son épouse sortirent du grand hôtel où ils étaient descendus à Florence, s'arrêtèrent sur le trottoir et regardèrent autour d'eux. « Non, pas de voiture, » fit Mr. Wells au portier. « On va juste faire un tour, histoire de jeter un coup d'œil sur la ville. C'est de quel côté le Ponte Vecchio ?» Ils traversèrent la place et parcoururent le Lugarno Torrigiani, lequel longe le fleuve Arno. « Non d'une pipe, ce que ces eaux sont boueuses, » constata Mr. Wells. « Je me demande quelle sorte de poisson ces soldats espèrent attraper. Des poissons lunes, je parie. Oh, regarde, maman, voilà le Ponte Vecchio. Juste comme sur les photos, pas vrai ?»« Oui, » dit Mrs. Wells, qui n'avait pas écouté. « J'aurais mieux aimé qu'on prenne la voiture. Je suis sûr qu'on va se perdre. »« Ah oui, seulement je remarque que chaque fois qu'on s'amène quelque part dans cette six-cylindres Isotta, hop, les prix montent en flèche. » Le chauffeur fait signe au boutiquier d'y aller franco et touche peut-être une ristourne de 20% sur tout ce que nous achetons. « En tout cas, » soupira Mrs. Wells avec un manque d'enthousiasme évident, « j'ai l'impression que je vais avoir mal aux pieds. »« Oh, regarde, Tom, voilà un bijoutier. »« Bien sûr, » commenta Mr. Wells, « mais Faustino est d'avis que ce sont tous des filous sur cette île et il est bien placé pour le savoir. On va pousser jusqu'au pont, traverser et... « Une minute, Tom !» « Oh, attends une minute. Regarde, il y en a un joli là, avec ses drôles de pierres rouges. Bien sûr, il en a probablement plusieurs douzaines, tous taillés dans la même camelote. Oh, regarde belle là, ces boutiques construites en plein sur le pont. Ça, c'est intéressant, hein? Je veux dire, on ne voit pas ça partout, hein? » « Oui, » reconnut Mrs. Wells. « Mon Dieu, que ces vieux pavés sont terribles. Oh, regarde, Tom, on dirait que ces boutiques sont des bijouteries. Mais oui, regarde !» Tom, ce sont des bijouteries, de la première jusqu'à la dernière. Naturellement, grogna Mr. Wells, des bijouteries de pacotille, de la quincaillerie pour touristes, comme à Atlantic City. Tiens, cette statue, je me demande qui elle peut bien représenter. Bon Dieu, mais c'est Benvenuto Cellini. Tu te rappelles de ce qu'il disait dans le guide, Bella? Il avait sa boutique ici même, sur ce pont. Lorsqu'ils eurent traversé le pont, ils parvinrent à un grand magasin aux vitrines remplies de bijoux en tout genre. Mrs. Wells tomba en arrêt devant l'une d'elles et pointa un index résolu vers le cinquième collier en partant de la gauche. « Celui-là, » s'exclama-t-elle, « c'est exactement ce que je veux, Tom. Là, tu vois, ce collier de sardoine, c'est exactement... »« Minute, minute !» marmonna Mr. Wells, sans presque ouvrir la bouche. « Ne t'énerve pas comme ça. Tu ne vois pas ce type qui nous surveille de l'intérieur et qui s'apprête déjà à nous rouler. Avance donc !» « Oh, tu m'ennuies à la fin !» déclara Mrs. Wells. « J'entre, que ça te plaise ou non !» L'Italien prit le collier en devanture et l'étala sur le comptoir. « Oh si, signora » fit-il. « Oh si, signora » fit-il. « C'est une bella cosa, que je vous la garantie, très vieille. Et je vous garantie qu'elle a été faite à Boissy pour des 500 ans au 15e siècle !» Mr. Wells tendit la main, mais ce fut Mr. Wells qui s'empara du collier. « Ouais » grogna-t-il. Ça m'a l'air plutôt neuf, tout ça. Qu'est-ce que vous en demandez? 6 000 lire. Entièrement sculpté main. C'est un cadeau, signor. Vous en demandez 6 000, ricana Mr. Wells. Mais quel est votre dernier prix? 6 000 lire, signor. C'est le dernier prix. C'est très bon marché. Regardez ces belles pierres. Oh zut, parlons sérieusement, trancha Mr. Wells. Je suppose que vous êtes habitué à un tel Américain qui... L'Italien s'inclina avec une certaine raideur. « Je regrette. Nos prix sont fixés. Ici, c'est une maison établie, avec des prix fixés. »« Des histoires, tout ça, » conclut Mr. Wells. « Viens, maman, je t'avais dit que ce type était un filou. Allons plutôt voir par ici, dans les petites rues de derrière. »« Oh, tais-toi donc, Tom !» s'écria Mr. Wells, rougissant d'embarras. « Ce collier n'est pas cher à 6 000, et tu le sais très bien. »« Bella, voyons, Bella, je t'en prie !» plaida Mr. Wells. Laisse-moi faire. Je te dis que ces types établis dans les grandes rues sont tous des filous. Rends-toi compte que si ce truc-là avait été une véritable antiquité, ils ne l'auraient pas lâché à moins de 10 000. C'était exactement ce que je voulais, s'entêta Mr. Wells. Je me rappellerai de cette adresse. Via Ben Fratelli, numéro 61. Regarde, s'exclama soudain Mr. Wells. Voilà une drôle de petite rue. C'est dans des endroits comme ça qu'on trouve des occasions. Allons y voir. « Oh, écoute, Tom, c'est juste une impasse. et tu sens cette odeur et ces pavés. Oh, alors Bella, sois raisonnable. Qu'est-ce que tu espérais trouver, Michigan Boulevard ? Ils parcoururent la ruelle qui, après de nombreux méandres, se terminait en cul-de-sac. Ils allaient revenir sur leurs pas lorsque Mr. Wells jeta un coup d'œil par une porte ouverte et aperçut un vieillard penché sur un établi où reposaient plusieurs articles de bijouterie. « Eh, regarde ça, Bella, regarde là-dedans !» s'exclama-t-il triomphalement. « Allons, viens !» Le vieillard se leva à leur entrée, s'inclina courtoisement et offrit sa chaise à Mrs. Wells. « Bonjour, madame, bonjour, monsieur, » lança-t-il, le visage épanoui. « Je parle bien anglais. »« Épatant !» dit Mr. Wells. Il explora du regard la petite boutique obscure et se retourna vers sa femme pour lui adresser un signe de tête. « On cherche un collier, quelque chose en or massif, d'époque naturellement, avec un genre d'agate carrée. »« Oui, » fit le vieillard en fronçant les sourcils. « Ah, je ne sais pas, je vais avoir ça. Excusez-moi, s'il vous plaît, je vais aller voir. » Il s'enfonça en boitillant dans la pénombre de l'arrière-boutique, souleva un rideau et disparut. « Voilà, » chuchota Mr. Wells, « c'est dans des endroits comme ça qu'on peut faire des affaires. Ici, pas de renagote ni de vitrine tape à l'œil. » « Je t'avais dit qu'on trouverait quelque chose. »« Pardon, » intervint l'Italien. « Voilà un article. »« Ah, nous y voilà !» s'exclama Mr. Wells. « Regarde-moi un peu ça, Bella. »« Ma foi, il est juste comme l'autre. »« Eh, il est juste comme l'autre, oui, mais minute. Quelle différence ! Celui-là, au moins, on voit qu'il n'a pas été fermé entière. » »« Oui, » admit Mrs. Wells en mettant le collier autour de son cou. « Une antiquité magnifique !» proclama fièrement le vieillard. « Je n'ai manqué des antiquités magnifiques. »« Oui, » répéta Mrs. Wells. « Combien ? » ?»« Qu'est-ce que vous en demandez, mon vieux ?» coupa Mr. Wells. « Je veux dire, quel est votre dernier prix, le vrai dernier ?» Une fois de plus, le vieux front se rida. « Pour madame, j'ai fait un prix spécial, » déclara l'Italien. « 10 000 lire, c'est donné. » Mr. Wells lui fit un clin d'œil et lui administra un coup de coude dans les côtes. « Continuez, continuez, je vous écoute, » s'esclaffa-t-il. Le vieillard haussa les épaules et se mit à rire. « Je vois que ce gentleman est un homme intelligente. 9 500 lire. » Mr. Wells lui appliqua une claque dans le dos et sortit son portefeuille. « J'avais bien entendu la première fois, » fit-il d'un ton décidé. « 9 000 lire, d'accord. » Le vieillard secoua la tête, mais sourit à Mrs. Wells. « Ah, » soupira-t-il. « Votre mari est un homme intelligentissimo. »« Mais pour vous, madame, j'ai dit oui. Je les vends 9 000 lire. »« Ça, c'est parlé, » approuva Mr. Wells. « Voilà votre argent, mon brave, et comme ça, tout le monde est content. »« Garde-le sur toi, Bella. Ça valait le coup de marcher un peu et de supporter le mal au pied, pas vrai ?»« Vous êtes venu de loin ?» s'informe l'Italien avec sollicitude. « Voulez-vous un taxi pour rentrer à l'hôtel, madame ?»« Oh, vous pourriez en faire venir un ?» demanda Mrs. Wells en jetant un coup d'œil vers l'impasse sordide. « Oui, par ici, s'il vous plaît. » Il les conduisit jusque dans l'arrière-boutique, écarta le rideau et les introduisit dans une bijouterie spacieuse, brillamment éclairée, et qu'il leur rappelait singulièrement le magasin où ils étaient passés auparavant. « Voilà les déventes de ma boutique, » expliqua-t-il avec orgueil. « Via Benfratelli, numéro 61. » C'était antique et authentique, par Guy Gilpatrick.